clair, obscur. Les musiques sombres sur Rage. Bonsoir à tous mes petits corbeaux et bienvenue dans Clair Obscur, l'émission des musiques sombres sur Rage. Après Underground Zero, après Tapage Nocturne, après 33 tours minutes, c'est avec nous et les musiques sombres en général que vous concluez la soirée rock sur votre station préférée en compagnie de moi, votre fantôme qui hante vos nuits tous les mercredis soirs, Stéphane, ainsi que une charmante Banshee toujours à mes côtés. Bonsoir à tous. Nathalie, vous l'aurez reconnue. Et bien ce soir, comme vous l'avez laissé entendre la semaine dernière, alors Nathalie et moi d'habitude on fait une émission purement musicale dans laquelle on aime bien vous ramener des petites perles, soit dans les actualités, soit carrément vous déterrer des petites pépites qui viennent des années 70 ou 80. Et bien ce soir on va faire encore plus fort puisqu'on a décidé d'exhumer une émission. Carrément. Que l'émission, heureusement. Hein. Voilà, on est des purs gothiques. Hein. L'exhumation, c'est notre passion. Et pour ce faire, eh bien, on a, comme c'est un petit peu difficile tout seul, on a invité deux collègues, deux charmants messieurs que vous pouvez revoir sur la webcam si vous nous écoutez sur Internet. Il s'agit de Patrick et Thomas. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est avec vous qu'on va parler d'une émission qui a eu son heure de gloire et comment. À mon avis, ça deviendra une émission culte. Et si je dis ça, c'est pas pour vous cirez les pompes dès le début de l'émission. Mais c'est déjà culte. Tu verrais les réactions sur la chatbox, ils sont là, ce sont des mythes, des légendes vivantes, enfin, c'est parti quoi. Ah oui, et donc moi j'ai accès aussi à la chatbox là. Tu peux lire, d'accord, mais il n'y a que moi qui écris. D'accord. Et oui, il n'y a qu'un clavier pour deux. Vous connaissiez le clavier à quatre mains, mais ce soir, ça va être un petit peu le cas dans Clair Obscur. En tout cas, on est bien content d'être avec vous pour cette émission qui sera plutôt consacrée aux mystères mystérieux, aux histoires insolites et aux phénomènes paranormaux, comme c'était le cas dans Exo 7 pendant un peu plus de 5 ans sur Rage. Alors, beaucoup d'auditeurs qui nous ont connus, nous, dans Clair Obscur, nous ont dit qu'ils connaissaient déjà la station par rapport à cette émission-là. On aura l'occasion d'y revenir. Et moi, j'ai envie de rendre un petit hommage au générique de cette émission, qui était un générique inspiré d'un chanteur de folk, Devon Rabinhart. Ça te dira peut-être quelque chose, Nat? Pas vraiment, vraiment. Moi, je t'avoue, j'étais pas encore une grande fan de Rage, donc je vais faire mon mea culpa et on va te laisser l'écouter. On va vous laisser l'écouter et je suis sûre qu'ils vont nous en dire un peu plus parce que je pense que eux, ça va leur rappeler beaucoup, beaucoup plus de choses qu'à moi. Allez, un concert dont je vous ai parlé, un artiste dont je vous ai parlé la semaine dernière. Je suis allé voir un concert ce week-end, c'était énorme et j'aurai l'occasion de vous en repasser encore. In Go One Ring avec le morceau Limpid Brook. I am drawn close, the diaphanous light in my clenched hands, your bosom white upon your fluid form, and I gratefully feed. Ingo One Ring, que vous avez peut-être pu écouter ce samedi sur Avignon. Je sais que Stéphane était présent et qu'il s'est régalé si vous y avez été. J'espère que vous êtes régalé autant que lui avec le morceau Limpin Brook qui apparemment faisait penser au générique d'Exocet, n'est-ce pas Patrick? Oui, parce qu'il faut expliquer un petit peu. Non, déjà là, je tiens à dire que je suis ému. On est ému parce qu'on ne s'attendait pas à entendre le tapis d'Exocet. Ça fait plaisir. Avant toute chose, je tiens à dire bonsoir à Mika parce que je crois que Mika est dans la place. Jim Cosmic, il est sur la chatbox. Ouais. Donc il faut. Je passe le bonsoir aussi. De toute façon, on passe le bonsoir. Il faut préciser que voilà, c'est quand même le troisième membre de l'émission. Eh oui. Il est là. Eh oui. Il est là à distance, mais il est quand même là, donc ça fait plaisir. Devendra Banhart, effectivement, c'était le générique d'Exocet qui s'appelait Dragonflies. Et d'ailleurs, quand Thomas écoutait ce générique, lui, il entendait Drink beer. Voilà, j'avais un truc avec ce passage. Bref, voilà. C'est Nathalie, un petit private joke. Tu veux peut-être qu'on présente l'émission pour ceux qui ne la connaissaient pas? Allez-y, faites-vous plaisir, je vois qu'il y a tout qui ressort. C'est comme le vélo, tu disais, voilà. Ça s'oublie pas. On a envie de parler, c'est assez terrible. Mais vous êtes là pour ça? Ça fait un an qu'on n'a pas pris le micro avec Thomas. Ouais, ça fait un an. Et même à l'aller dans la voiture, on l'évoquait, ces bons moments. Enfin, vous imaginez pas pour nous tout ce qui s'est passé en backstage parce qu'on ne le faisait pas ressentir sauf quelques rares fois. Alors attendez. Un instant, s'il vous plaît. Pour ceux qui n'ont pas la webcam. Moi, c'était ça qui manquait le plus. Patrick est en train de se faire tripoter par Stéphane. De ta page, je précise. Toi aussi, je te kiffe. Oui, j'ai compris tout à l'heure. Voilà, il y a le quart d'heure dévotion. Là. Alors rappelons quand même, messieurs, que vous aviez animé deux très belles émissions sur Rage. Une dédiée au mystère mystérieux dont je parlais tout à l'heure, Exocet, à laquelle on va en rendre hommage ce soir et pour laquelle vous êtes venu nous rendre visite, ainsi qu'une autre très bonne émission, mais sur un thème assez différent, puisqu'il s'agissait des médias, des jeux vidéo notamment. Et il s'agissait de disques durs et ensuite médiathèques. C'est ça. Trop de geeks encore. Disque dur dans un premier temps, très axé quand même jeux vidéo pour le coup et nouvelles technologies un petit peu plus au sens large. Et médiathèque, c'était quand même plus axé médias. On tendait plus vers la culture pub à ce moment-là. Mais deux émissions. En tout cas, nous, on s'est fait plaisir. Je peux pas dire que c'était des belles émissions, mais nous, en tout cas, on a vraiment kiffé. Si j'ai deux minutes pour retracer un peu l'historique d'Exocet, à la base, donc, c'était une émission que je faisais tout seul et dans laquelle je parlais de tout ce qui m'intéressait. Je parlais un peu de cinéma, je parlais de jeux vidéo, je parlais de beaucoup de choses. Et ça, c'était en 2003-2004. Et puis ensuite, en 2005, Exocet est devenu l'émission qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire une émission consacrée à l'étrange, au bizarre. Et je l'ai animé seul au début, et puis ensuite donc Thomas est venu, il y avait Mika bien évidemment qui était à la technique, et l'émission a duré trois années pendant lesquelles on s'est régalé à préparer chaque semaine des sujets, et puis trois années pendant lesquelles on avait pas mal de retours positifs sur l'émission. Et 3 années qui sont passées toutes seules aussi. Enfin, honnêtement, je me rends même pas compte qu'on a fait 3 ans d'émission. Quoi. C'est passé très vite. Et puis bon, il y a eu le blog qui fonctionnait très bien aussi et qui a amené pas mal d'auditeurs à l'émission. Et aujourd'hui encore, alors que l'émission est terminée depuis 2 ans maintenant, je continue à recevoir des mails et des messages de personnes qui me demandent si l'émission reviendra et qui me disent que ça manque. Et il y a pas mal de personnes aussi qui enregistraient les émissions pour les écouter dans le train, sur leur iPod, etc. Mmh. Donc moi, j'avoue que j'ai toujours été surpris du succès, mais ça a toujours été un grand plaisir. Mais moi, ça m'étonne pas, parce que moi, quand j'étais simple auditrice de Rage, c'était une émission que j'adorais tomber dessus par hasard, chouette. Et des fois, je restais dans ma voiture au lieu de monter à mon chez moi parce que je voulais écouter la fin. Mais ça c'était souvent le plus beau compliment qu'on pouvait nous faire. Les gens disaient je restais dans la voiture. Oui, je restais dans la voiture, j'attendais la fin parce que je voulais savoir le fameux de l'histoire. Et c'est vrai que c'est souvent la même remarque. C'est l'émission, effectivement, nous dit souvent les gens tombaient dessus. Ils n'étaient pas forcément là dès le départ, sauf certains qui étaient des inconditionnels, mais ceux qui tombaient dessus, voilà, ils écoutaient. Et c'est vrai, ça nous fait vraiment plaisir, quoi. Jacques Pradel pouvait s'accrocher avec son émission mystère. Quoi. Et on avait envie de vous avoir, de redonner un petit coup de nostalgie parce que c'était vraiment une super émission. Il faut dire que pas mal d'auditeurs de Clair Obscur nous ont dit effectivement qu'ils connaissaient Rage par rapport à cette émission Exocet. Hommage vous soit rendu. Voilà. En tout cas, on est très reconnaissant que vous ayez pensé à nous faire revenir parce qu'on était on vous l'a dit. Voilà, on sentait un petit peu la naphtaline et puis là, tout à coup. Et là, on a les larmes aux yeux. On est des vrais gamins. On est émus, donc ça fait plaisir. Eh bien écoutez, puisque dans cette émission Exocet, pendant un peu plus de 3 ans, vous avez fait le tour de tous les thèmes paranormaux, mystérieux et j'en passe, eh bien moi j'ai envie de revenir à une littérature qui fait la part belle au sujet, à savoir le grand auteur Howard Phillips Lovecraft, que nous connaissons tous sans doute, grand auteur américain de pas vraiment de science-fiction, de fantastique un petit peu illuminé, qui a eu une influence considérable dans la musique du XXe siècle, que ce soit dans tous les styles d'ailleurs, et moi j'ai envie de rendre un petit hommage à ce grand romancier. Tu voulais rajouter quelque chose ? Je rajouterais juste une petite chose par rapport à la chatbox. Je suis désolée de te couper, mais si pendant l'émission vous avez envie de poser des questions à nos invités sur les thèmes qu'ils vont aborder ce soir, faites-vous plaisir via le net, il est là pour ça. Et pour le moment, vous pouvez poser toutes les questions qui vous passent par la tête en écoutant cet hymne au panthéon des dieux lovecraftiens avec Therion et le morceau Call of Dagon. Oh, vous êtes bien dans Clair Obscur, l'émission où on se désaltère au lieu de surveiller son écran pour voir à quelle heure se termine le morceau. Et c'était Call of Dagon, un morceau de Therion. C'est bon, j'ai on se fait corrompre par les chevelus, j'en suis sûr là. Voilà, donc j'ai encore un peu de sang sur les canines, faut dire que c'était du très bon à se mettre ce soir. Et négatif, typo d'ailleurs, Peter Steele, si tu nous écoutes. Non, il nous écoute plus là, je crois. Bah oui, mais de là où tu es. Voilà, de l'abîme des enfers. Comme l'a dit Stéphane. Allez Stéphane, c'est de la discographie de Therion s'il te plaît. Oui, bonsoir, c'était tiré de l'album Lemuria Sirius B. Merci d'être passé. Bonsoir, alors qu'il est fait une spéciale typo négatif toutes les semaines. Voilà, c'était l'hommage personnel du Stéphane de Tapage Nocturne à Peter Steele, auquel on a consacré une émission la semaine dernière. D'ailleurs, si je peux dire quelque chose par rapport à Peter Steele, si vous tapez Peter Steele dans Google Images, je vous conseille les premières images. Mais alors attention, il faut désactiver le filtre adulte. Hein. Ah ouais. C'est assez surprenant. Oui, c'est les photos de Playgirl. Voilà. On en a parlé la semaine dernière. T'as pas écouté, c'est pas bien. Parce que la majorité des lecteurs étaient des hommes. Donc du coup, ça l'a calmé. Quoi. Le jour où il est mort, j'imagine qu'il y a des milliers de personnes qui ont dû taper Peter Steele dans Google Images. Moi. Voilà, par exemple, là, tu vois un énorme chibre. Non, parce que la plupart des gens n'ont pas le filtre parental désactivé, Patrick, dans Google Images. Absolument. Hein. Donc, les geeks sont en force dans les studios ce soir. Alors, c'est un petit peu le bordel, pardonnez-nous. Mais il faut dire que tout le monde est assez émouvé, comme dans le sketch. On est émouvé. On est assez émotionné, émoustillé par la présence de ces messieurs qui vont nous parler d'histoires un petit peu étranges, n'est-ce pas, Nat? Bien sûr, et bien sûr d'images en rapport avec le contexte de Clair Obscur. Donc ne vous attendez pas à des petites fleurs et aux arcs-en-ciel. Je pense qu'on va faire dans un registre un peu plus grave, n'est-ce pas ? Non, on a essayé de s'adapter un petit peu, hein, forcément. On s'est dit, on vient dans une émission qui essaye de présenter l'univers gothique au grand public, entre guillemets, qui essaye d'être accessible en tout cas. Donc on s'est dit qu'on allait se fondre un petit peu dans le contexte. Et donc, pas habillé en noir, ça va pas, tu sors. Oui, c'est vrai que j'avais oublié qu'il y a la webcam. On aurait pu tricher, mais non. Donc... je vais vous parler, si c'est à moi de parler, c'est à mon tour. Oui, parce qu'il me semble que tu vas nous parler du vampire de Baltimore. Vampire de Baltimore, parce que il y a deux tueurs en série qui sont connus sous le nom de vampires. Donc il y a le vampire de Düsseldorf qui s'appelait Peter Curtin. C'était un tueur en série allemand. C'était d'ailleurs le plus célèbre des tueurs en série allemand, mais il n'avait de vampire que le pseudonyme, puisque c'était juste un meurtrier sadique, mais pas spécifiquement vampirique. Hein. Il ne suçait pas le sang de ses victimes. Mais par contre, il y en a un. Donc le vampire de Baltimore, qui lui était connu précisément pour ça. Donc il s'appelait Richard Anton Chase, et c'était un tueur en série américain qui tua seulement 6 personnes, mais s'il est resté dans la légende, entre guillemets, c'est pour la barbarie de ses crimes, et surtout sa folie, car c'était un vrai taré, il était sévèrement pété du bulbe, hein, je pense qu'on peut le dire. Donc il était surnommé le vampire de Sacramento, car il buvait le sang de ses victimes, et il se livrait à des actes de cannibalisme. Alors, il était totalement délirant et il disait faire cela pour que les nazis transforment son sang en poudre. Pour éviter que les nazis transforment son sang en poudre via un poison qu'ils auraient placé sous son porte-savon. Donc c'est... Oui, ça va loin quand même. Voilà, c'est vous dire quelle était la santé mentale du garçon, et donc ça, c'est juste un début. Pardon, cannibalisme ante-mortem ou post-mortem ? Le sens du détail, Stéphane... Post-mortem, c'est... mais c'est vrai que Stéphane est un professionnel, donc le souci du détail, c'était post-mortem. Alors, Richard Anton Chase se décrit comme ayant été abusé par sa mère dès l'âge de 10 ans. Il montrait les symptômes de ce qu'on appelle une triade de McDonald's, donc rien à voir donc avec les hamburgers. C'est une triade du sociopathe. Donc, si vous avez des enfants dans votre entourage qui présentent ces trois symptômes, méfiez-vous. Vas-y, je note pour mon frère, vas-y. Incontinence, ouais. Voilà, pyromanie et... torture d'animaux. Donc celui-là, non, ça va y rentrer c'est, pas dans le voilà, c'est le petit bonus qui est en général est moins répandu, celui-là. Donc torture d'animaux. Torture de peluche, petit poney ou de bisounours, ça compte ? Ça peut le faire. Massacre de Barbie. Voilà, ça peut le faire, mais disons que tu passeras probablement ton diplôme de tueur en série avec juste la moyenne, alors que si tu tortures des animaux enfants, il y a de grandes chances qu'on parle de toi dans Exo 7 éventuellement, comme c'est le cas de Richard Trenton. Donc, durant son adolescence, il était alcoolique et toxicomane. Il souffrait aussi de troubles de l'érection dus à des problèmes psychologiques résultant d'une colère refoulée. Donc, c'est dire s'il avait à peu près tous les ingrédients nécessaires pour sévèrement péter les plombs. Il était zen, le gars, quoi. Il vivait zen, quoi. Alors, il avait également une sévère hypochondrie. Il se plaignait souvent que son cœur s'arrêtait de battre et que quelqu'un lui avait volé ses artères pulmonaires. Donc, Voilà. Non, mais c'est courant, ça. Voilà. Tous les jours, on pique des alerteurs, d'accord. Bon. Oui, alors, ça fait flipper, en plus. Une anecdote assez sympathique, hein, un petit peu moins de trash. Donc, il se serait souvent mis des oranges sur la tête, croyant que la vitamine C serait absorbée par son, par son cerveau, par diffusion. Bien sûr. Donc voilà, on imagine image mentale de ridicule immédiatement avec une orange sur la tête, des agrumes finalement. C'est un gars qui n'était pas artère à terre, quoi. Il n'avait pas l'esprit artère à terre. Bien. Oh oui. Non, joli. Alors là, joli. Applaudissements. Mais alors, c'est pas tout, puisqu'il croyait aussi que ses os crâniens s'étaient séparés et qu'ils bougeaient autour de sa tête. Et donc, il se rasait la tête pour pouvoir observer le mouvement des os. Mm-hmm. Donc là, on a vraiment affaire à un fou furieux, un vrai malade mental, mais personne s'est inquiété d'avoir un gamin qui racontait tout ça, qui pissait au lit, qui torturait des animaux. Le truc c'est qu'il est passé à l'acte sur le tard, donc tout le monde sentait que ça allait péter à un moment ou à un autre. Alors après avoir quitté la maison de sa mère parce qu'il croyait qu'elle voulait l'empoisonner, Chase loua un appartement avec des amis. Et dès qu'il y emménagea, il condamna la porte de sa chambre et fit une sortie de secours dans le mur des toilettes Le proprio, là. Voilà. Afin que personne ne puisse s'approcher sans être repéré. Alors, il avait des colocataires qui se plaignaient qu'il était constamment sous les effets de la marijuana, du LSD et de l'alcool. Donc, déjà qu'on a une base assez fertile. Si vous rajoutez du LSD. Oui. Voilà. Ça donne ce que ça a donné par la suite. Alors, il se serait aussi souvent baladé nu dans l'appartement, même lorsqu'il y avait du monde. Et ses colocataires, évidemment, demandaient qu'il s'en aille. Il refusa. Et c'est donc ses colocataires qui sont partis. Ce qui fait qu'il s'est retrouvé tout seul, Richard Trenton Chase, dans son appartement. Et là, il a commencé à capturer, à tuer et à éventrer toutes sortes d'animaux qu'il aurait ensuite dévoré cru, en mélangeant parfois les organes crus avec du Coca-Cola, afin de boire le mélange quand même milkshake. Tu parlais de McDo, à mixer avec du Coca. Non, je pensais qu'il, dans son repas, il buvait du Coca en même temps. Non, on n'est pas loin de McDo, là, tu parlais de la trilogie. La triade McDonald's, Coca-Cola, ouais. Donc, il croyait que ça lui permettrait d'éviter que son cœur s'atrophie, parce qu'il y avait toujours une logique à ses actes. En 1975, Richard Chase fut placé contre son gré dans un institut psychiatrique. Après qu'il se soit empoisonné le sang, il s'était injecté du sang de lapin dans les veines. Il partageait d'ailleurs souvent ses théories hallucinantes sur les massacres de lapins avec l'équipe médicale. Une fois, il fut retrouvé avec du sang autour de la bouche. Et donc il avait dit « Je me suis coupé en me rasant », mais l'hôpital découvrit assez rapidement qu'il avait bu du sang d'oiseau, il avait jeté les corps des oiseaux par la fenêtre, et c'est à partir de ce moment-là que l'équipe médicale a commencé à l'appeler Dracula. Donc là, c'était le début de sa carrière, on va dire. Il y avait pas mal de discussions pour savoir s'il était schizophrène ou si c'était la drogue qui l'avait totalement bousillé. Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Et donc, après avoir subi une batterie de traitements à base de diverses drogues, Chase fut considéré ne plus être un danger pour la société. Donc, on note l'acuité de l'analyse hein, sur ce coup. Il fut relâché en 1976 et confié à sa mère, qui décida toute seule qu'il n'avait plus besoin de son traitement antipsychotique. Donc, première boulette de la part de la mère, vous allez voir. Puisqu'elle partit du principe que ses médicaments avaient fait de son fils un zombie. Et c'était une bonne... Ce qui doit être le cas, en plus. C'est une bonne stratégie, puisque de zombie, il est passé ensuite à vampire. Vampire. Voilà. Oh, c'est joli aussi. Donc, elle le sèvre et elle le ramène dans son appartement. Et le 29 décembre 77, Chase tue sa première victime, qui s'appelle Ambrose Griffin, un ingénieur de 51 ans, père de deux enfants. Et après la fusillade, un des fils de Griffin déclare avoir vu un voisin rôder avec une carabine de calibre 22. L'arme du voisin fut saisie, mais l'analyse balistique démontra que ce n'était pas l'arme du meurtre. Donc, il passe à travers les gouttes et le 11 janvier 78, il harcèle une de ses voisines. Deux semaines plus tard, il essaye d'entrer dans la maison d'une autre femme, mais il renonce. Pourquoi ? Parce que les portes sont fermées. Et il déclara plus tard aux enquêteurs qu'il considérait qu'une porte fermée, vous allez voir, donc une référence directe à la mythologie vampirique, il considérait qu'une porte fermée signifiait qu'il n'était pas invité et qu'une porte ouverte était un signe de bienvenue. Mmh. Donc c'était un tueur en série courtois. Comme il dans fallait... le roman de Bram Stoker où cette superstition a, voilà. parmi si d'autres, tu à n'es la vie. Pas invité, exactement. Tu ne peux pas entrer dans la maison. Oui. Alors plus tard, il fut poursuivi par un couple car il leur avait volé des biens et il avait uriné et déféqué dans leur lit et sur leurs vêtements. Donc c'était un hôte de choix. la victime. C'était un Dracula. doublé d'un poltergeist. Non. Voilà. Et tout ça, il faut l'imaginer. Il est sympa à recevoir, le gars, quand même. Ah, bah oui, bah, il faut imaginer tout ça avec des agrumes sur la tête aussi. Et qui se balade à poil. Voilà. La victime suivante, alors vous allez voir que là, du coup, c'est beaucoup moins drôle, de Chase était Teresa Wallin. Elle fut surprise par Chase dans sa maison alors qu'elle était enceinte de 3 mois. Chase lui tira dessus 3 fois et il se livra ensuite à des actes de nécrophilie sur son cadavre, la mutila et se baigna dans son sang. Alors, si vous n'avez pas mangé, bon appétit. Et c'est vrai que j'ai le sourire en disant ça, mais c'est vraiment le plaisir de parler au micro, hein, parce que ça m'avait manqué. Ouais. Mais sinon, intérieurement, évidemment, je suis dévasté. Et puis, c'est vrai qu'en plus, c'est minuit et demi, donc on peut dire ce genre de truc. Ouais, c'est clair. Les gamins sont couchés. J'en profite pour faire une parenthèse. C'est vrai qu'à l'époque, on faisait Exocet, c'était entre 8h et 9h. Voilà. Il n'y avait pas eu 10h. Et donc, il fallait qu'on se censure. Il y avait des trucs qu'on pouvait pas les dire. Donc là, on peut et ça fait plaisir. Pourtant, on a été assez loin quand même. C'est vrai. Le 27 janvier, Chase commet ses derniers meurtres lorsqu'il entre dans la maison d'Evelyn Miros, 38 ans. Il croise l'ami de celle-ci, Danny Meredith, qui l'abat avec une arme de calibre 22. Il vole le portefeuille et les clés de voiture de Meredith avant de tuer Evelyn Miros, son fils de 6 ans Jason, ainsi que le neveu de celle-ci, David, âgé de 22 mois. Donc c'est un massacre. Il se livre, comme pour Teresa Wallin, à des actes de nécrophilie et de cannibalisme sur le corps de Miros. Une fillette de 6 ans qui avait rendez-vous avec Jason Miros frappe à la porte. Elle surprend Chase, qui quitte la scène du crime en utilisant la voiture de Meredith, emportant le corps de David avec lui. La fillette appelle un voisin qui alerte la police. Une fois sur place, la police s'aperçoit que Chase a laissé des empreintes parfaites de ses mains et de ses chaussures dans le sang d'Evelyn, parce que donc il était complètement con, évidemment, il n'avait pas réfléchi au fait qu'il ne fallait pas laisser d'empreintes. Il retourne à sa maison, Chase, il vous emmerde, il rentre à sa maison et il boit le sang de David. Il s'était pris un petit casse-croûte, quoi, en fait. Et il mange plusieurs de ses organes internes. Thomas, arrête de rire, c'est quand même dégueulasse. Et pour une fois, je ne suis pas filmé, attends. C'est moi qui suis filmé. J'avais l'habitude de ne pas être filmé, c'est vrai. Dont le cerveau, avant de laisser le corps dans une église proche. Donc, je ne sais pas si vous imaginez le tableau, mais on a vraiment affaire à un tueur en série de série B, c'est une horreur. Lorsque les policiers pénètrent dans la résidence de David Chase, ils s'aperçoivent qu'il ne cherche pas du tout à cacher ses crimes. Il a des traces de sang de partout, tout autour de la maison. Mais malgré ça, il continue à clamer son innocence. Il dit « Tout ce que j'ai fait, c'est tuer quelques chiens. » Donc, une trace de lucidité malgré ça. Il ne va pas jusqu'à avouer tout ce qu'il a fait. Il essaye de bluffer, mais évidemment, ça ne prend pas. Et en 1979, le procès de Chase a lieu pour 6 meurtres. Et afin d'éviter la peine de mort, la défense décide de plaider coupable pour meurtre sans préméditation, ce qui lui permettrait d'éviter hypothétiquement la grillade, une peine de prison, une peine de mort. Et cette défense repose sur la maladie mentale de Chase, vu que les crimes ne sont jamais planifiés, hein, c'est toujours une sorte de pulsion meurtrière, et donc ça constitue une preuve de non-préméditation, ce qui peut atténuer le truc. Si j'osais faire un jeu de mots, cet homme-là finalement était sujet à des coups de sang. C'est tout à fait ça. Le 8 mai, le jury déclare Chase coupable de 6 meurtres avec préméditation lors d'un procès très médiatisé à l'époque. Et il est condamné à mort par chambre à gaz. C'est vrai que la chaise électrique se pratiquait plus à l'époque. Voilà, c'était la chambre à gaz. L'argument disant qu'il n'était pas coupable à cause de sa folie est rejeté. Et les compagnons de détention de Chase, dont plusieurs membres de gang, sachant qu'il avait des comportements un petit peu étranges, décident de lui faire peur. Et donc sa vie en prison est un enfer. On va pas le plaindre, ça fait plaisir. Il avait plus d'oranges pour se balader, il n'y a plus à porter d'oranges, voilà. Donc il pouvait plus se promener à poil. Quand on lui donnait des oranges, il y avait des mecs de gang qui lui piquaient les oranges et qui les mangeaient. Heureusement qu'il n'était pas d'origine asiatique, hein, parce que sinon les autres lui auraient confisqué ses oranges en lui disant « il n'y en a pas pour ta face de citron ». J'attendais citron, je savais que citron allait sortir. Il y avait quelque chose qui devait tomber. J'attendais. Chase accorda une série d'interviews à Robert Ressler, durant lesquelles il lui confia ses peurs au sujet des nazis et des ovnis, disant qu'il était obligé de tuer pour survivre et que n'importe qui aurait fait de même. Il demanda à Ressler qu'il lui donne accès à un radar afin qu'il puisse intercepter les ovnis des nazis, voulant qu'il les arrête et les inculpe de meurtre. Il lui remit une grosse quantité de macaroni et de fromage qu'il avait amassé dans ses poches, croyant que les officiels de la prison travaillaient en collaboration avec les nazis. Donc imaginez un petit peu le bordel que ça pouvait être dans la tête de ce garçon-là. C'est quoi le rapport avec le fromage? C'est parce qu'il avait peur de le manger. Parce qu'on essayait de l'empoisonner. Ah oui, d'accord. Voilà, donc il gardait des macaronis dans ses poches. Je me permets d'interrompre parce qu'à peu près à la même époque, il y avait le dernier à la prison de Spandau en Allemagne, à Berlin, il y avait le dernier prisonnier de la Deuxième Guerre mondiale qui était Rudolf Hess et qui lui aussi tirait ses dernières années. Alors est-ce que ce mec-là, ce vampire de Baltimore, a finalement eu vent peut-être de cette actualité Pas que je sache, honnêtement je pense pas qu'il était au courant de ce qui se passait dans l'actualité, je pense qu'il était juste sévèrement pété du bulbe encore une fois, hein, et donc il faisait un amalgame complètement tordu et hallucinant entre les nazis, les ovnis, enfin c'était un vrai bordel dans son crâne. Et donc le 26 décembre 1980, un garde retrouve Chase dans son lit, mort, et l'autopsie conclut qu'il s'est suicidé en faisant une overdose d'antidépresseurs qu'il avait amassé pendant les semaines précédentes, une overdose d'agrumes. Et ainsi s'achève l'histoire du vampire de Baltimore. Moi, ce qui me tue, c'est que pour le mec, tout devait paraître complètement cohérent dans son délire. Mais pour lui, était d'une logique à couper le souffle. Il devait même souffrir qu'on ne le comprenne pas, quoi. Bah, c'est clair qu'il bouffait les organes internes des enfants pour se protéger des ovnis nazis. Ce qui est normal. Il lui enlever ses oranges. Voilà, et qui voulait lui mettre son sang en poudre, c'est ça. Enfin, voilà. À base de macaroni, quand même. Mais comment on peut en arriver là, que ce soit pas détecté? C'est ça que je reste sur Du LSD, matin, midi et soir, et puis une mère abusive, et puis des tortures d'animaux. Et puis, très honnêtement, au moment où il a été enfermé, il avait pas encore commis de crime, et comme d'habitude, tu peux pas laisser enfermer quelqu'un si quelque part il a rien fait. Il est quand même pété, quoi. Il avait l'air à s'allumer, mais rien ne prouvait qu'il allait passer à l'acte. L'imbécile heureux, quoi. Ça se trouve, dans son hôpital, on se disait, voilà, il met des oranges sur sa tête, il ouvre des pigeons, ça ira jamais plus loin que les pigeons, et quelque part, même si c'est un peu gore. Je rappelle l'information pratique quand même de cette histoire, hein. Souvenez-vous de la triade de McDonald's. Oui. Encore une fois, vous avez un enfant dans votre entourage qui est à la fois incontinent, pyromane et qui torture des animaux, méfiez-vous. Oui, il va finir animateur radio. C'est pas possible. Parce que honnêtement, il y a pas mal de gens quand même qui... Enfin, en tout cas, moi, personnellement, alors peut-être pas des grands animaux... Tu faisais pipi au lit, bon, on va tout savoir. Allons-y, quand t'es... Petit, ça arrive à beaucoup, genre je l'ai pas fait jusqu'à très tard, tu me diras jusqu'à 2-3 ans, mais voilà. Torturer des animaux, j'ai bien dû le faire, alors pas des gros animaux, mais des insectes, genre des mouches ou quoi, ça compte pas des mouches. Ça compte pas des trucs comme ça, tu me rassures. Il faut des mammifères, les chiens, de l'animal de bonne taille déjà. Bah, c'est clair. Donc il faut du sang chaud, bon, Ok, non, je prends note, donc je suis pas complètement taré. Ça va. Donc, ça y est, on a des rassurés là. Vous aussi, hein, si vous nous écoutez, vous savez, vous pouvez faire le constat, est-ce que vous êtes des psychotiques en devenir ou pas? Eh bien écoute, je crois qu'on va conclure ce sujet sur le vampire de Baltimore qui était quand même assez flippant. Heureusement qu'il y a la lumière dans ma cabine, sinon je crois que ma feuille serait un petit peu en train de trembler, avec un titre qui sans doute correspondra au destin des victimes finalement, n'est-ce pas Nathalie? C'est toi qui nous ramène ce titre-là? Tout à fait, parce que le morceau se nomme This is the end, bien choisi justement vu la fin atroce de ces victimes du vampire de Baltimore, une histoire que je ne connaissais absolument pas. Je connaissais le vampire de Düsseldorf pour son côté... immonde, mais c'était quelqu'un de beaucoup moins charismatique et plus de beaucoup moins. Disons, oui, le vampire de Düsseldorf, voilà. Mais il était moins cramé dans sa logique. Il avait pas d'histoire d'ovni, de poudre, de sang, de trucs comme ça. Attention, il y a une orange derrière toi, Nathalie. Non, ça va, je ne suis pas à poil dans les studios. Vous pouvez le vérifier via la webcam. Tout à fait. Vous êtes déçus, hein. Vous ne devriez pas. Je vais faire Alex et ce sera une orange. Mais on perd 10 000 auditeurs, c'est dommage, c'est ballot. Ça s'écroule. Bon, il en reste 3 ou 4, c'est sympa, merci. Et on va passer à s'écouter, pour la petite transition, le morceau This is the end de Rabia Sorda. Je vous laisse en compagnie de la musique pour la suite de nos expériences mystérieuses avec les anciens d'Exocet. À tout à l'heure. Si ce n'est que l'ordinateur est fâché avec Rabia Sorda, rappelons un petit peu qui c'est, parce que c'est peut-être un nom qui est hermétique pour ceux qui ne connaîtraient pas l'émission. On avait notamment parlé de lui à l'occasion de notre émission spéciale Mexique qu'on avait fait pour le Dia de los Muertos. Je t'en prie, parce que je sais que là-dessus c'est un sujet qui te passionne. Alors en fait, il y a Hocico, ce duo mexicain qui est très connu sur la scène EBM électro mondiale, qui est originaire de Mexico, et donc les deux membres de son duo ont chacun fait un projet de côté, en parallèle du groupe qu'ils font tous les deux, et notamment il y en a un des deux, je ne me souviens plus son nom, qui a fait Dulce Liquido, c'est bien ça? Dulce Liquido, oui, on va arriver à le prononcer. Que tu avais déjà passé il y a quelques émissions, et là tu nous ramènes Rabia Sorda. Et je ramène l'autre partie, Rabia Sorda, qui est beaucoup plus calme et beaucoup moins excitée du bulbe. On va reprendre les... il ne faut peut-être pas pipi au lit, je ne sais pas s'il massacre des animaux, mais je trouve que c'est quelque chose de peut-être beaucoup plus profond, ambiance, à écouter, préférais à la limite caler le noir, dans le noir au lit le soir plutôt que Osico, parce que je crois qu'Osico vous ne dormiriez pas avec. Et si l'ordinateur veut bien nous laisser passer le morceau, je vous l'en mets plein les oreilles. We'll be right back. l'instant dans vos oreilles un petit peu de musique calme, calme pour Clair Obscur, hein, je précise. This is the end, morceau de Rabia Sorda, side project de Hossico. Donc si vous aimez ce style-là, je vous engage à découvrir l'œuvre de ces artistes et également à nous laisser aussi un petit message sur la chatbox, car ce soir est une émission spéciale d'Entre les Spéciales. Et si vous nous rejoignez à l'instant, on vous souhaite la bienvenue dans cette émission spéciale d'Entre les Spéciales consacrée aux mystères mystérieux, histoires insolites et phénomènes paranormaux. Ce soir, plus précisément, des phénomènes pas très normaux, pas très lucides et assez sanglants, puisque vous nous rejoignez dans Clair Obscur. Vous êtes bien sûr Rage, vous nous écoutez sur le 90.3 du côté du Vaucluse, sur le 102.5 du côté du Gard et de l'Hérault, et partout dans le reste du monde de la France sur le www.rage.fr. Vous pouvez rejoindre Nathalie ainsi que Patrick et Thomas qui sont nos invités ce soir pour faire un petit coucou, un petit clin d'œil à leur ancienne émission Exocet. Vous pouvez rejoindre Nathalie disait, sur la chatbox qui se trouve sur le MySpace de l'émission, www.myspace.com/clairobscur espace Rage, R-A-J-E. Et le Facebook, n'hésitez pas, comme on vous l'a dit, il y a tout ce qu'il faut pour nous laisser vos commentaires, vos félicitations, vos chèques, donations, insultes, allez-y, c'est fait pour ça. Et maintenant, on va passer à un registre, on va rester dans le sanglant en fait, hein, parce qu'on va attaquer avec la non moins célèbre et non moins gothique... Comtesse sanglante. Je sais pas comment je l'aurais pris, Mathieu, parce qu'elle dit on va passer au sanglant et elle t'introduit. Oui, là. Non, mais c'est étrange, j'ai remarqué, mais ça, ouais. Ça doit être ma réputation qui me colle c'est à la c'est peau. C'est parce que tu as dit que tu faisais pipi au lit. C'est ça. Parce que ça, Patrick ça a le ton Rubicon des amateurs de Bordeaux et de Bourgogne, alors que Thomas a la jovialité monacale et le teint blanc de ceux qui passent leur soirée à faire dont, des vins de dont les ancêtres passaient leur journée dans les bibliothèques des monastères, et lui, finalement, tout c'est fils qui travaille dans l'informatique, c'est un peu le moine contemporain. Je suis sûr que tu saignes de jeunes vierges aussi. Oh, régulièrement, oui, c'est clair. Allez hop, à partir de ce soir, j'ai plus de réputation sur Avignon, ça c'est fait. Ouais, non, alors j'ai décidé effectivement de vous parler de, alors en français, Elizabeth Bathory et Elizabeth Bathory pour en anglais. Je te le laisse prononcer. Non, Ergébet, comme nous Ergébet, voilà, nous c'est joli. Stéphane, Ergébet en gros, puisque c'est quand même voilà son vrai nom à la base. Alors j'imagine que c'est un personnage qui vous devez déjà pas mal connaître, proche et vos auditeurs aussi, puisque c'est assez proche de la culture quand même gothique. C'est un thème qui revient souvent dans la culture gothique, souvent sur les blogs, surtout des plus jeunes, parce que je pense qu'il y a une fascination pour le côté sanglant, gratuit et un voilà, peu mystérieux alors, de la personne. Vous allez voir qu'effectivement, elle a certainement pas été aussi sanglante que ça, mais on y reviendra et vous allez comprendre aussi qu'effectivement, elle a énormément influencé la culture, que ce soit musicale, mais même aujourd'hui, dans les jeux vidéo, dans les films, c'est dingue le nombre de références qui sont faites à ce personnage historique, autour desquelles coulent beaucoup de légendes. Alors, la comtesse de Bathory est née le 7 août 1560, et en fait, elle a donc des origines à la base hongroise, et elle a été promise très tôt, donc à l'âge de 11 ans, à un prince, André Bathory, qui était l'un des princes de Transylvanie. Alors là aussi, évidemment, Transylvanie, Dracula, elle est tombée au bon endroit, au bon moment. Elle va être élevée dès l'âge de ses 11 ans par sa belle-mère, qui va donc la former, puisque c'est le terme, à devenir une bonne épouse pour son fils et à lui apporter de beaux enfants et à savoir s'occuper de la maison. Mais ce qu'il y a, c'est que ce mari, elle va très peu le voir parce qu'il sera en guerre en permanence avec les Turcs. Donc beaucoup plus âgé qu'elle, je parie en plus. Beaucoup plus âgé qu'elle. D'ailleurs, elle va fauter avec un jardinier. Elle va avoir une fille illégitime qui va mourir à la naissance. Donc apparemment, de ce que disent les documents historiques, ça l'a assez marqué à cette époque-là. Et on voit qu'effectivement, elle n'était pas si proche que ça de son mari. Par contre, son mari étant en guerre en permanence, elle a dû, elle, avoir la charge et la responsabilité d'assurer la sécurité de son village et de sa contrée. Et mine de rien, ils se sont fait attaquer un paquet de fois puisqu'il y avait ce conflit avec les Turcs. Et donc, le village a été très souvent soumis aux attaques de ces Turcs. Et si je vous précise ça, c'est parce que vous allez comprendre que ça lui a forgé un certain caractère parce que cette Elizabeth Bathory est certainement une des toutes premières féministes et c'est certainement ce qui lui a coûté, en fait... cette réputation. Alors, tout a commencé en fait par une dénonciation entre 1602 et 1604 d'un pasteur luthérien qui s'appelait Madjari et qui a eu vent de témoignages, soi-disant, de villageois ou de l'entourage de la comtesse qui rapportait des meurtres sordides dans son château et dans les différents lieux où elle allait. Et d'ailleurs, même pendant ses déplacements, elle aurait enlevé des personnes. Alors, ce dont elle est accusée est absolument atroce. Alors ça va de la torture physique à la congélation jusqu'à la mort, à laisser mourir les gens de faim. Il y a toutes les rumeurs aussi où effectivement elle aurait vidé le sang de Jeune Vierge pour se baigner. Parce dans que la... Geneviève, non, hein. Non. Surtout de son nez, on évite. On va éviter, les procès. Elle était déjà vivante à l'époque, parce qu'il faut le préciser, elle était déjà là. Quoi. Et elle avait des cheveux. Oui. On va éviter les procès. Mais on peut quand même ironiser sur le fait que c'est un pasteur luthérien, même bien qu'il fût hongrois et pas autrichien, pour le coup, parce qu'il y a toujours cette dichotomie en Europe centrale, qui a accusé une hongroise catholique de ces crimes horribles. Ça a été le premier, manifestement, et ça, je l'ignorais. Donc on peut faire le rapprochement avec l'Irlande du Nord, et finalement, c'est peut-être un petit peu facile, les accusations de sorcellerie. Voilà, ce que tu soulèves est très important. Il y a derrière toutes les accusations qui ont été portées envers elle énormément de choses qui remontraient à de la politique, voire à de la haine uniquement sur sa prise de position, parce que, par exemple, et ça on le sait beaucoup moins, elle a défendu énormément de jeunes femmes, par exemple, qui allaient être soumises au droit de cuissage, par exemple, par des seigneurs locaux, ou qui étaient accusées à tort, ça se faisait beaucoup à l'époque, de sorcellerie ou de tromperies diverses et variées. De toute façon, la sorcellerie, bon, comme on disait hors antenne, moi, par rapport à l'aspect médiéval, c'était le truc idéal pour se débarrasser, surtout des femmes. C'est clair. À cette période-là, une femme, elle se dérangeait, elle prenait un peu trop de place, allez hop, sorcière, bûcher, basta. Tu cuisines trop mal. C'est un peu ce genre de, c'est un peu ce genre d'argument, je pense, qu'elle faisait prévaloir. Et donc, du coup, elle a commencé à se tailler une réputation donc, de féministe avant l'heure. Et évidemment, à l'époque, ça plaisait pas du tout. Mais pour le coup, il y a quand même de nombreux témoignages et des choses très étonnantes, puisque tout le personnel de maison avec qui elle était assez proche, puisque en plus, elle avait apparemment... une certaine sympathie envers son personnel, c'était pas une comtesse qui les dénigrait, ils étaient assez bien traités. Eux ont rapporté des témoignages, on retrouve des bouquins où il y aurait jusqu'à 200 victimes. Alors il faut reconnaître que la comtesse et les 4 personnes avec qui elle était accusée parce que elle travaillait même, pour l'anecdote, avec un nain qui s'appelait Ulvranik, tu me corrigeras si je me trompe dans la prononciation. Et donc c'était 4 personnages avec qui elle évoluait en permanence, qui eux aussi ont reconnu les faits. Alors ils ont reconnu jusqu'à 30 morts. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces révélations et ces preuves soi-disant indiscutables, puisqu'ils sont auto-accusés de ces meurtres, ont été retirées sous la torture. Sous la question, oui. Voilà. Donc évidemment, on peut aussi se poser de grandes questions sur la légitimité de ces dires, parce que évidemment, on se doute bien que sous la torture, on réagit pas de la même façon. Donc eux, ils ont reconnu 30 morts, et ils ont reconnu effectivement le péché ultime, je pense, pour les juges à ce moment-là, que la comtesse faisait ça pour conserver une jeunesse éternelle, et qu'elle avait besoin de sang de vierge, parce que soi-disant, ça lui permettait de garder une peau éternellement L'histoire belle. L'histoire qu'elle aurait arraché les cheveux d'une servante, que ça lui aurait saigné sur la main, qu'elle aurait vu sa main, tout douce et tout. Enfin voilà, c'est le. Voilà, alors ça, tout ça, c'est des choses. Mythe. Voilà, tout ça, c'est le mythe, c'est des choses qui sont romancées autour, dont parle par exemple très bien le film qui est en ce moment sur les écrans. C'est aussi un peu pour ça que j'ai choisi ce sujet ce soir, parce qu'il colle à l'actualité. La comtesse, donc que vous pouvez aller voir dans toutes les salles de cinéma. Réalisé par Julie Delpy, c'est en ce moment dans les salles. Et qui est apparemment un très très bon film. Moi, je l'ai pas vu, mais je pense que c'est vraiment un très bon film. Et donc effectivement, ils ont utilisé dans ce film-là tout ce qui était romancé autour pour expliquer un comportement qui, de toute façon, en fait, n'a pas eu lieu. En gros, le seul tort de cette fameuse comtesse, ça a été d'avoir été une défenseuse des femmes, d'avoir été quelqu'un d'indépendant qui n'avait pas besoin de mari, qui assumait très bien le fait d'avoir une sexualité en dehors de son mariage avec des gens qui n'étaient pas forcément de sa classe, d'avoir été aussi dans un pays où tu le soulignais très bien, où il y avait une dichotomie entre... Il y avait des guerres de religion, il faut le dire clairement. Enfin voilà, un ensemble de choses qui faisaient que, au final, elle gênait et elle devait être éliminée. Puis on est quand même aussi dans la période médiévale où on a un retour à l'obscurantisme, des problèmes de récolte, on a beaucoup de guerres et on n'a pas une période tranquille. Même on le voit, enfin moi je le vois sur les reconstitutions médiévales, quand on dépasse le 14e, les tenues n'ont rien à voir avec le 12e. C'est beaucoup moins libre et beaucoup moins ouvert pour les femmes. Tout à fait. Croyez-en une spécialiste. Ouais, c'est... Elle essaye. Très calée, ça j'en suis convaincu. Et le dernier point, et non des moindres, c'est que c'était devenue une très bonne défenseuse des différentes causes et qu'à la fin de sa vie, son fils... Elle voulait que sa fille hérite et pas son fils. Et son mari était mort. Et du coup, elle a failli faire réussir sa mission... que sa fille hérite à la place de son fils. Et ça, au niveau de au niveau de l'ordre établi, c'est pas bien passé du tout. Donc finalement, arrestation, torture, donc elle a reconnu 30 morts avec ses complices, donc je vous le disais tout à l'heure, mise à mort par dénutrition, exposition au froid, morsure estropiant des parties du visage, du corps, des bras, brûlure des parties génitales, bref, voilà, plein de joyeuseté géniale. Et ce qui est très intéressant, le personnage, quoi. Ah, il fallait voilà, complètement faire en sorte qu'elle meure pas en martyr. Je pense qu'en fait c'est surtout ça qui a voulu faire le jugement de l'époque, éviter qu'il y ait un soulèvement populaire et qu'il y ait une espèce de pré-féminisme qui se forme, parce que je pense qu'effectivement elle avait une grande influence, en tout cas c'est certain, sur les femmes au moins de la région. Il fallait pas donner d'exemple. Voilà. Elle est allée beaucoup trop loin, ou en tout cas beaucoup trop tôt, trop loin. Et ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est l'influence qu'elle a eue. Alors, dans la musique, vous êtes 100 fois plus calé que moi à ce niveau-là, mais je pense que dans l'univers et le style que vous écoutez, ça baigne de références. Les métalleux pourront en témoigner aussi. Voilà. Dans les jeux vidéo, on compte pas le nombre de références également, et c'est assez impressionnant. Vous vous souvenez du jeu Atmosphere avec la cassette vidéo? Exactement. Oui. C'est là où j'allais en venir. Donc dans Atmospheres, elle est dedans. Il y a une référence à elle dans Diablo 2. Il y a dans Second Life une Elisabeth Báthory qui existe dans Blood Rain. En termes de groupes de musique, parce que j'ai pas tous les faire, il y a par exemple Cradle of the Filth qui a fait une chanson directement sur elle. Il y en a des tonnes et des tonnes. Dans WoW aussi, tu as un PNJ qui a un nom un peu dérivé. Oh, les geeks, ça y est, ils sont à fond là. Exactement. Il y a pareil des tonnes et des tonnes de bouquins. Elle a influencé également plein de mythes autour de Dracula, parce que on pense qu'aujourd'hui certaines des caractéristiques qui sont données aux vampires découlent directement de ce qu'on a voulu imaginer, ce qu'on a voulu lui mettre sur le dos à l'époque. Voilà, tout ça pour vous dire que la comtesse de Báthory, sans avoir certainement été une vraie criminelle, mais juste peut-être... C'était pas une sainte, c'est tout, quoi. Voilà, c'était juste pas une sainte, c'était juste une femme moderne à une époque qui l'était pas. Elle a succombé à sa propre volonté d'émancipation, mais son personnage est resté, et quelque part, elle a marqué son époque, et elle a marqué le futur, puisqu'aujourd'hui, c'est des tonnes et des tonnes de références pop, même aujourd'hui, qui existent en référence. Finalement, c'est une belle victoire sur le... C'est une très belle victoire, je trouve, du personnage. Parce que finalement, on a voulu l'effacer et la noircir, et c'est ça qui fait qu'on en parle encore aujourd'hui, ceux qui l'ont torturé, Alors que certainement que si on n'avait pas fait monter tout ce mythe autour d'elle, aujourd'hui, ça aurait été juste une comtesse dans une contrée perdue en Pennsylvanie. Nous, en France, on a eu Olympe de Gouges qui a fini de manière aussi sanglante, mais ça a été sur les échafauds de Robespierre pendant la Terreur. Une autre, ça a été un petit peu plus tard, et ça a été chez nous. Nathalie, ne te sens pas en minorité dans ce studio. Voilà. Non, bon, je vais tous vous massacrer, voilà. Ah wow, hein, n'est-ce pas? Ah wow. Ton niveau depuis, tu dois avoir un personnage de niveau, j'ose non, pas imaginer. Non, j'en ai plus qu'un. Ah d'accord. Je sors. Allez, laissez les geeks s'épancher, et ça vous fait une émission comme ça. Mais écoutez, messieurs, c'était deux histoires assez sanglantes, assez passionnantes, comme vous en faisiez pendant plus de 3 ans, donc sur Exocet, dans Exocet sur Rage. On vous remercie d'être venu nous rendre visite et de nous raconter tout ça. Et merci à vous, un immense plaisir. Accueilli, bien sûr. Et on va finir le petit mot de la fin avec vos projets actuels quand même, rapidement, qu'on sache où vous allez pour pas vous perdre de vue maintenant qu'on vous a retrouvé. Alors Thomas fait de la musique, hein. Je t'ai impressionné parce qu'il voulait pas le dire. Ah le salaud. Voilà. Il y a un Facebook, vous pouvez écouter ses compositions. Ouais, on balancera le lien. Ouais. Super, génial. Truc qui devait être un peu perso, non, c'est bien. Ah bon, c'est fait. Je t'ai créé non. Bref. Mais perso, enfin bref. C'est fait. Bon. Moi, et je peux faire de la pub pour un site internet qui est dans la continuité directe d'Exocet, qui s'appelle pas un site internet, le meilleur site internet. The référence. Bon voilà, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Mais c'est moi qui le dis. Donc axolot.info, AXOLOT, qui est un peu le successeur spirituel d'Exocet. Et donc voilà, si vous connaissez pas, n'hésitez pas à passer et éventuellement à lâcher vos coms. Oh, voilà. Tu nous l'as fait Skyblog. Ouais, là. Oui. Tranquille. Pour sûr. Allez, je suis sûr qu'il y avait des gens qui nous écoutaient de très loin pour suivre votre intervention. S'ils nous écoutent dans le septentrion, c'est-à-dire au-dessus de Valence, qu'ils sachent que pour ce week-end relativement calme, puisque c'est le 1er mai, vous aurez le seul festival Psychobilly de France, les 2 et 3 mai, du côté de Vernouillet. Donc il y aura des tas de groupes qui sont pas très très connus, mais qui envoient, j'ai écouté sur leur site internet, le seul festival de Psychobilly en France, c'est ce week-end à Vernouillet. Qu'est-ce que vous voulez rajouter, Philippe Patrick, pardon Jean-Pierre, c'est parce camarade. Que... C'est parce que Mirek... Nous en a fait une magnifique. Fait une blague sur le chatbox et je pense qu'il faut il espère citer. Que la prochaine fois, on fera une histoire sur la comtesse Navire Maïs. Donc il faut comprendre bateau, riz. Ah, je pense qu'après ça, on peut arrêter la radio directement. Voilà, je crois qu'on peut remballer. On ferme. On peut fermer cette radio. Au revoir. En attendant, je crois qu'on va se quitter maintenant sur un morceau orchestré de Ghostin the Shell, Kenji Kawai. Un thème cher au geek. Sublime. Cher au geek, un morceau que j'adore. Donc Kenji Kawai et le morceau Réincarnation. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine. Merci à vous d'être venus. Bonsoir, bonne nuit. Au revoir. Au revoir à tous. Clair obscur, le meilleur des musiques sombres sur Rage.